Je contemplais un jour, je contemplais le sable d'une manière indéchiffrable. J'ai compris que l'homme n'est rien. J'ai contemplé les étoiles avec la connaissance des écoles. Aucun homme ne peut comprendre l'univers. J'ai contemplé ces mondes avec des hommes bourreux de connaissances. Qui peut arrêter la destruction? Sans couleur, ouais, yeah. Je ne peux pas compter tout le bienfait de mon Dieu, car c'est trop. Je ne peux jamais compter tout le nombre de mes péchés, car c'est trop. Tout ce que moi je sais, il est mort à Golgotha, sans son couleur pour me racheter. Mais quant à moi, sans coula Golgotha, pour que je sois délivré. Comment ne puis-je l'adorer pour tout ce qu'il a fait pour moi? Son amour est si grand pour moi que je ne cesserai de He did upon the cross just to save me. God favored me. God paid all things for me. I must sing for Him. Son amour est plus grand dans ma vie. Il m'a aimé de la fondation du monde. Que son amour, il m'a aimé de la fondation du monde. Je sais que je suis sauvé. Son amour pour moi.